بسم الله الرحمن الرحيم في سورة شورى أخذنا مسألة واحدة نفس المسألة et là on rentre dans سورة الزخرف donc on prendra une seule مسألة également l'autre en fait il y a deux مسألة dans cette سورة cependant l'autre a déjà été cité auparavant فنطلب مباشرة في المسألة الثانية والستين بعد المئة 162e مسألة في قوله تعالى وَوَ الَّذِي فِي سَمَاءِ إِلَاهُمْ وَفِي الْأَرْضِ إِلَاهُ Dans le sens où Allah dit qu'il est celui qui est une divinité dans le ciel et une divinité sur terre. Verset 84 قال المؤلف رحمه الله تعالى هذا العطف مع التنكير في هذه الآيات يتوهم الجاهل منه تعدد الآلهة معنى الآيات القرآنية مصرحة بأنه واحد كقوله فاعلم أنه لا إله إلا الله وقوله وما من إله إلا إله واحد donc là dans ce verset la conjonction qui est lieu entre les deux mots c'est à dire en arabe ça s'appelle عطف avec حرف عو que nous on traduit en français par et que le mot il indéfini c'est à dire إلهون une divinité dans le ciel et une divinité sur terre. Pour laisser penser à l'ignorant qu'il y a plusieurs divinités. Alors que d'autres versets clairs, et cela est même le socle de notre religion, démontrent clairement qu'il n'y a qu'une seule divinité. Il y a une divinité adorée qui est Allah Azzawajal. Dans le sens où Allah dit, il sache qu'il n'y a pas de divinité et divinité adorée en dehors d'Allah. Mohammed verset 19. Et ça part dans le sens où il dit, et qu'il n'y a aucune divinité en vrai, divinité adorée, ce n'est une seule divinité qui est Allah Azza wa Jal. Al-Ma'ida, verset 73. قَالَ وَالْجَوَابُ أَنَّ مَعْنَى الْآيَةَ أَنَّهُ تَعَالَى وَمَعْبُودُ أَهْلِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَقُولُهُ هُوَ وَالَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهِ أي مَعْبُودٌ وَحْدَهُ فِي السَّمَاءِ كَمَا أَنَّهُ الْمَعْبُودُ بِالْحَقِّ فِي الْأَرْضِ Donc la réponse, tout simplement, que le sens du verset veut dire que Allah est l'adoré, car le mot Ilah, ala wasfi'al, c'est un ismaf'ul, ma'na ma'boud, qu'il est l'adoré. Donc, c'est-à-dire que Allah est l'adoré des gens des cieux et de la terre. Donc, le verset ne veut pas dire qu'il y a plusieurs divinités, mais tout simplement que Allah est l'adoré de ceux qui sont dans les cieux, de ceux qui sont sur terre. L'adoré véritable. Le seul qui mérite le culte, que le culte soit voué sincèrement et uniquement. هذا هو معنى هذه الآية. Lakin, celui qui verra autrement, bien évidemment, sera tombé dans une énormité. Et c'est une chose qui est sur laquelle il y a unanimité de la communauté. Et même chez les gens du livre. Wallahu ta'ala alam, walhamdulillah bil alamin.